L'été est là, et avec la belle saison arrivent parfois des avaries, comme l'infiltration d'eau dans la maison ou encore ailleurs. Pour tous travaux de nettoyage, faites appel à ProNet, groupe urgence sinistre, communément appelé GUS. De vrais spécialistes du nettoyage d'urgence, 24 heures sur 24, plusieurs équipes et plusieurs véhicules. Nettoyage, aussi d'échangeurs d'air et de conduits de ventilation. Pour nous rejoindre, c'est le 418-679-4178. GUS vous invite à participer en très grand nombre aux régates de Saint-Félicien. Le personnel et la direction de la société sylvicole désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Ils vous incitent à la plus grande vigilance pendant ce moment de réjouissance. La société sylvicole est un employeur important, générant plus de 90 emplois dans le secteur. Nos bureaux sont situés au 245 rue Dequin à Dolboum-Sesny, au numéro de téléphone 418-276-8080. Voici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins, Domaine du Roi. La Caisse Desjardins du Domaine du Roi est fière de vous présenter la chronique sportive des Sabres juniors 2A de Robertval. Impliqués dans tous les projets porteurs de la MRC, les 80 employés et 16 dirigeants vous invitent à vivre l'expérience membre Desjardins dans l'une ou l'autre de ces 8 places d'affaires. Suivez-nous sur notre nouvelle page Facebook et participez à nos nombreuses promotions. Bon succès aux Sabres juniors. Les Sabres de Robertval avec notre ami Jason Lajeunesse, les Sabres qui étaient en action au cours de la fin de semaine, et ça a été une victoire de 6-3 contre les Marquis. Salut Jason. Jason, si on y allait avec ce match-là, une belle victoire de 6-3 cette fois. Oui, très bon match là, de notre part, là, du début jusqu'à la fin du match. Là, on a complètement là, dominé ce match-là là, du début jusqu'à la fin. On a contrôlé la rencontre. Là, après deux périodes, on menait 6-2. Donc en troisième période, on a protégé notre avance, on a joué le plan de match, puis ils n'ont pas eu beaucoup de chance pour venir. OK, donc c'est quand même une victoire importante, compte tenu que le classement est tellement serré. Il y a 9 points qui séparent les 5 équipes. Par contre, vous avez 2 matchs de jouer de plus. Les équipes vont pouvoir rattraper, évidemment. Oui, mais on a encore 12 matchs à jouer dans la saison. Il n'y a rien de joué encore. Okay. Il nous reste deux à trois matchs là, contre chaque équipe encore. Ben, c'est sûr que c'est... Ça veut rien dire encore, le classement encore. On a une bonne série de victoires là, d'ici la fin de la saison. Je pense qu'on va bien se positionner. Là, c'est sûr que les équipes aussi doivent gagner leur match en réserve. Oui, OK. Donc, oui. Puis on veut pas, il y a 5 équipes dans la ligue, c'est sûr que un et l'autre là, se bat mutuellement. On peut pas s'éloigner tant que ça. Là. OK. Si on y allait maintenant avec les marqueurs dans ce match-là, on a finalement les marqueurs, Jason. C'est pas mal le fun pour les journalistes. Il y a Stacy Germain, un but, une passe chacun. Il y a également Simon-Pierre Bérubé. Oui. Et à noter, Étienne Launière a marqué un but. Gabriel Launière, un but, une passe. De même que Jesse Saint-Pierre. Ouais. Jean-Simon Véropol, c'est-tu le frère de Francis Véropol? Oui. OK. Lui, il a joué pour le Marco Sport, je pensais, du midget, hein? Oui, dans le midget 2B, oui, il coupait l'année, là, parce que lui, c'est un 21 ans, là, c'est un dernier année. OK. Donc, une victoire importante, compte tenu que le classement est extrêmement serré. Les Sabres, vous reprenez l'action maintenant en fin de semaine? Oui, vendredi, samedi à la maison, vendredi soir contre les Aiglons d'Alma, qui devrait être un très bon match, là. Samedi soir contre les SAG, un autre match très important là, pour le club. OK, les Aiglons qui sont en tête de la Ligue, quoi les joueurs à surveiller, c'est Bernier, Alex Côté peut-être? Oui, Bernier, Côté, okay. Le grand Boudreau à défense là, qui connaît une bonne chose. OK, et le lendemain, ce sera les Saguenay de Chicoutimi, un autre match important. Ben, écoute, c'est tous des matchs importants, là, quand on voit le classement aussi serré que ça. C'est il y a de quoi là, et surtout qu'il reste, il va rester 10 matchs après la période des fêtes. Donc OK. Oui. Ben Jason, on s'en reparle pour une dernière fois en 2015 vendredi prochain. Pas vendredi mais mercredi prochain. L'instructeur chef des Sabres de Robertval, Jason Lajeunesse.